Ludovic Jox, bonjour. Salut, Bertrand. Donc Ludovic, je vais te laisser te présenter, mais pour expliquer rapidement, toi tu es sociologue et tu avais fait un travail de thèse sur justement les travailleurs humanitaires, on va en parler. En plus d'être sociologue, tu es aussi toi-même humanitaire et tu continues aujourd'hui de faire des missions, hein, si j'ai bien compris, et des interventions avec des ONG. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, tu es à la fois chercheur et à la fois humanitaire. Et j'avais eu l'occasion de parcourir ta thèse qui s'appelait L'insatisfaction dans le travail humanitaire ou du travailleur humanitaire. À peu près disons, après le titre, c'est discutable, hein, mais en tout cas officiellement, ça s'appelle Les ressorts de l'insatisfaction, le cas du personnel international humanitaire. Voilà, c'est ça. Je l'avais simplifié dans mon esprit. Mais ça va. Au moins, c'est un titre de thèse qui est compréhensible, parce qu'il y en a qui ne sont même pas compréhensibles. Et donc c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé parce que dedans tu parlais justement aussi des conséquences que ça pouvait avoir sur la santé mentale des travailleurs humanitaires. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et même si ça fait un moment que je l'ai parcouru, j'avais très envie de pouvoir partager un peu à l'audience du podcast les apports de cette recherche. Voilà, écoute, ce que je te propose, c'est le plus simple, c'est que tu te présentes un petit peu pour l'audience de périple humanitaire. Ok. Alors, en tout cas, comme tu me disais aussi peut-être de parler de mon parcours Exactement. avant d'arriver dans le secteur. Et alors, moi, je fais partie des gens, disons, qui n'y ont pas été préparés par leurs études, dans le sens où j'ai d'abord fait des études d'ingénieur. Après, j'avais fait un master en politique culturelle et puis j'avais parcouru un peu. J'étais très attiré par l'étranger. J'avais fait un bénévolat un service volontaire européen en Espagne, un bénévolat en Équateur, et différentes choses. Et puis j'espérais toujours percer dans le milieu humanitaire, développement. Moi, je faisais pas la différence, mais voilà, je faisais partie des gens qui voyaient ça de façon peut-être un peu idéaliste par les médias, etc. Et souvent, bah, j'avais d'autres opportunités. Puis à chaque fois, je repoussais le moment de frapper à la porte de ce milieu-là. Et donc, il y a une fois, je me suis dit, j'insiste. En fait, tant que je suis pas pris dans ce milieu-là, je continue. Et donc là, j'avais contacté différentes personnes ou des amis d'amis dans le milieu et pour me donner des tuyaux, pour comprendre ce que je devais mettre en avant. Et ça avait fini par marcher avec Médecins sans frontières, donc en 2011. Et j'étais parti en tant que logisticien administrateur en Colombie, c'était ma première mission. Et puis depuis, bah, j'ai enchaîné les missions, mais de plus en plus courtes. Maintenant, c'est des missions souvent très très courtes. Et puis après, ma troisième mission, c'est là que enfin, surtout la deuxième, mais disons qu'en pratique, administrativement, c'était après la troisième que j'ai commencé une thèse parce que je me posais beaucoup de questions. Mais justement, je me posais sans doute aussi beaucoup de questions parce que j'étais pas préparé au milieu et que bah, émergeait des interrogations auxquelles, enfin, voilà, des thématiques sur lesquelles je m'étais jamais penché parce que j'avais pas, voilà, je n'y avais pas été préparé ni par mon entourage ni par mon cursus universitaire. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que on va revenir juste un tout petit peu là-dessus? Donc toi, tu avais fait les études que tu as décrites. Tu avais quand même eu une expérience un peu à l'étranger de bénévolat. Et en fait, tu te retrouves à partir en tant que logisticien sur le podcast, sur la chaîne. On a reçu pas mal de logisticiens qui avaient fait des formations spécifiques là-dedans. Donc c'est intéressant ce que tu précises là ici. Ma question, c'est, tu as dit... Il y a des personnes qui t'ont très bien conseillé. En fait, c'est quoi les conseils que tu as appliqués pour pouvoir être pris dans le secteur humanitaire? Alors, en tout cas, oui, j'ai cherché des conseils. Ah. C'est pas parce que, effectivement, il y a des personnes qui m'ont conseillé. Ce qu'on m'a dit, enfin, ce qu'il y a, c'est que c'était différentes personnes. Il y avait une personne de handicap international, une personne peut-être de l'AFD. Enfin, c'était des gens du milieu au sens très large. Qu'est-ce qu'on m'a dit? J'en sais rien, c'est des trucs bateaux, mais je partais tellement loin. Donc j'imagine un peu des mots-clés ou des thématiques sur lesquelles justement réfléchir un tout petit peu. En particulier, je me souviens, bon, de mettre en avant la capacité à vivre en équipe dans des. Je sais pas, bêtement, peut-être avoir fait des colonies de vacances ou des choses comme ça. Et puis, idéalement, le milieu interculturel, parler différentes langues, être à l'aise dans un groupe. Et voilà, je me souviens au moins de ça dans les conseils. Mais à vrai dire, je me souviens plus trop. Donc c'était plutôt les compétences transversales, les soft skills, Voilà, voilà. c'est ça. Voilà, pour préciser, AFD, tu as dit tout à l'heure, c'est l'Agence française de développement, c'est un bailleur de fonds français qui finance donc du coup des projets à l'international. Donc tu arrives à avoir cette première expérience, tu pars où exactement pour ta première mission et tu pars combien de temps? En Colombie, je pars 6 mois à Buenaventura, sur la côte pacifique. Enfin, je peux en parler plus, hein, si tu veux, mais Et je quel sais type de projet? pas. C'était un projet de tuberculose. Donc à cette époque-là, je ne sais pas comment la situation aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait différents foyers de tuberculose multirésistante ou extra, je ne sais pas comment on disait, enfin, très résistante. À l'échelle du monde, il y avait genre la Géorgie, le Kirghizistan et la Colombie, en particulier dans la ville où on était. Donc voilà, c'était un petit projet en création, parce qu'au début on était 17, c'était vraiment tout petit pour MSF. Puis après on était 40. Voilà. Enfin, Ok, donc tu as cette expérience-là, tu renouvelles un peu les contrats. Et alors, qu'est-ce qui fait le déclic que tu te dis, tiens là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une question que je me pose qui mérite que j'y consacre, je ne sais même pas combien de temps a duré ta thèse, mais c'est minimum 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, ça mérite qu'on se pose et qu'on réfléchisse là-dessus? ouais, bon, alors la première mission, je me posais sans doute des questions, mais comme j'étais pas préparé techniquement non plus, j'étais quand même pas mal sous l'eau. Donc j'étais beaucoup pris par le boulot, j'étais très perfectionniste, donc je passais beaucoup de temps à faire des trucs peut-être un peu superflus. Et donc je me posais pas forcément trop de questions sur le pourquoi du comment. Voilà, c'était. Cela étant, bah, on observe forcément de la fatigue chez les uns et les autres, des tensions. Voilà, j'observais des choses, mais qui m'ont pas forcément plus attiré l'œil que ça. Par contre, ma seconde mission, c'était en Éthiopie, et là, il y a eu différentes choses qui m'ont interpellé, et la situation était différente. Alors, sans doute, j'avais déjà l'expérience d'une mission, donc j'étais peut-être un peu plus à l'aise dans mon travail. En plus, j'étais dans une ville où j'étais le seul expatrié pour MSF. Ce qui faisait que j'avais sans doute du temps aussi pour réfléchir ou pour observer un peu plus de loin. J'étais un peu moins dans la sauce. Et parmi les choses qui m'ont interpellé, il y en avait énormément. Mais est-ce que je m'en souviens encore 10 ans plus tard? Sans doute un petit peu. Il y avait entre autres, mais je vais en citer quelques-unes, mais parmi tant d'autres. Il y avait entre autres le fait que on venait avec des visas de touristes, et alors que l'Éthiopie voilà, considérait que les étrangers devaient venir avec des visas de travail et que il y avait certains postes pour lesquels il ne devait pas y avoir d'expatriés parce que les Éthiopiens pouvaient tout à fait faire le boulot, et donc MSF court-circuitait ça en nous faisant venir avec des visas de touristes, en nous faisant partir à l'étranger tous les 3 mois pour renouveler le visa de touriste. Bon. Pourquoi pas, hein, voilà, je peux comprendre, mais disons que ça m'interrogeait. Il y avait le fait, je me souviens d'un médecin qui me raconte faire une formation et avoir le sentiment de pisser dans un violon. Et Ok, c'est cash. voilà, c'était son expression. Non seulement il avait ce sentiment-là, et en plus il s'est rendu compte, alors ceci pouvant expliquer cela, mais pas forcément, qu'en fait, il était la Xème génération d'expatriés. En fait, chaque expatrié qui succédait refaisait les mêmes formations sur les mêmes sujets. Et voilà, et ça l'interpellait. Alors, ça peut expliquer le fait qu'il avait l'impression de pisser dans un violon, puisque supposément les gens en face de lui savaient. Mais en même temps, s'il a eu le besoin de le refaire, c'est que c'était peut-être pas compris comme il l'espérait. En tout cas, voilà, ça m'interrogeait. Qui était finalement est-ce que c'était les Éthiopiens qui étaient dédaigneux vis-à-vis de cet expatrié, ou l'expatrié qui cherchait à tout prix à imposer sa vision des choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça interpellait. Il y avait ça, j'avais un assistant admin, et peut-être que c'était ma première fois en Afrique. En Afrique, et donc peut-être que j'étais aussi naïf sur beaucoup de choses et sur le niveau. Mais j'avais un assistant administratif qui, bah, pour multiplier par 10, ne savait pas qu'il fallait rajouter un zéro. Et bah, pour faire des additions à deux chiffres, enfin, prenez tout de suite la calculette pour faire 12 plus 13. Bon, pourquoi pas? Et maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens à travers le monde. Mais en tout cas, sur le moment, ça m'avait interpellé. Et je me disais, et pourtant, lui, c'est le meilleur. On l'a recruté parce que c'était le meilleur dans tout le coin. Et donc, en fait, je me posais des questions. Je me disais, mais est-ce que vraiment ça a un sens de s'occuper de la santé alors que c'est pas l'éducation? Peut-être qu'il faudrait, sur le sujet sur lequel il faudrait travailler. Voilà, des problématiques. Oui, bon, je peux en rajouter une. C'était sur le fait que c'était la xième fois que MSF revenait. Et en fait, on récupérait, par exemple, des moteurs de bateau, des vieilles voitures qui avaient été données par d'autres ONG ou par MSF par le passé. Et on s'apercevait que quand les donations étaient faites, bah, 3 mois après, les voitures tombaient dans le fossé ou je sais pas quoi, étaient en rade et puis personne ne savait les réparer, quand bien même on avait fait des donations de pièces de rechange. Donc qu'est-ce qui se passait pour qu'il n'y ait aucune pérennité dans les donations? Voilà, enfin bon, un ensemble de sujets dont certains, voilà, peut-être sont tout à fait clairs, évidents, pas du tout nouveaux pour certains, mais en tout cas pour moi, qui n'y connaissais rien, ça l'était, ça m'interrogeait, et il y avait un ensemble d'observations qui m'ont encouragé à réfléchir. Enfin voilà, j'avais besoin de creuser, j'aurais pu lire des bouquins, c'est peut-être ce que j'ai fait un peu au début. La thèse était une solution parmi d'autres. Et puis voilà, et puis il se trouve que finalement c'est la porte de la thèse qui s'est ouverte, mais ça aurait pu être d'autres choses. Voilà, et puis après je me suis lancé dans la tête. Donc, tu arrives à proposer un sujet de thèse, à trouver un laboratoire, j'imagine, de recherche, un directeur de recherche. Comment te vient le sujet spécifique des ressorts de l'insatisfaction? Parce que c'est quand même quelque chose, alors c'est de la sociologie, hein, enfin, c'est ça, hein, le laboratoire dans lequel tu étais, c'est de la sociologie. Mais en même temps, et bon, là, je connais déjà un petit peu la réponse, mais. En même temps, les ressorts de l'insatisfaction, ça fait quand même très psycho comme sujet. Enfin bon, bref. En tout cas, comment est-ce que tu en arrives à cette question des ressorts de l'insatisfaction? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à la question psycho, socio, etc. Moi, quand je suis arrivé en thèse, je suis arrivé aussi par un peu un biais détourné. Et j'étais pas formé à la sociologie, hein. J'avais dit que j'avais un parcours d'ingénieur, donc ok, j'avais fait un master en sciences humaines, en fait en politique culturelle, mais j'étais pas du tout là-dedans. Donc moi, les disciplines académiques au départ, peu importe, enfin si c'était de la philo, de la socio, de la psycho, des sciences politiques, d'abord je faisais à peine la différence entre les disciplines. Et puis à la rigueur, peu m'importait. Moi, ce que je voulais, c'était des réponses à mes questionnements. Et donc, je suis pas du tout arrivé à cette thématique-là directement. Au départ, j'avais une vision très terre à terre, très pragmatique ou très ingénieur. Je sais pas si ça fait sens. Disons que j'avais un esprit formaté dans l'idée qu'il y a un problème, il y a des solutions, et surtout, on peut optimiser et on peut arriver à améliorer les choses. J'étais dans des visions très normatives des choses. Très science dure peut-être. Et donc, moi, au départ, mes questionnements étaient très naïfs peut-être encore, hein, mais très portés sur les questions d'efficacité et d'essayer de comprendre les processus. Je cherchais à avoir les meilleurs indicateurs qui me permettraient de je sais pas quoi. Et donc, j'étais pas vraiment, en fait, j'étais pas en so dans ma tête n'était pas branchée sociologie. Donc ça, c'est une chose. Donc ça a progressivement évolué. Ça a progressivement évolué à force de lecture, etc. J'ai envisagé les choses de façon tout à fait différente. J'ai compris aussi comment efficacité, efficience, tout ça était des termes socialement construits, qui avaient une histoire et que derrière les termes d'efficacité, ce qu'on veut. En fait, on va peut-être mettre des indicateurs qu'on va sélectionner. Pourquoi cela, pourquoi plutôt que tel autre? Parce qu'en fait, on a une certaine vision des choses. On est porteur d'une vision du monde, qui que l'on soit. Voilà. Donc petit à petit, bon, j'ai commencé à comprendre ces choses-là, à démonter tout ça. Et par rapport à la question de l'insatisfaction, ça a évolué. C'est-à-dire que je me suis dit progressivement. En fait, il y avait le terme de frustration qui était principal. dans les entretiens. C'est plutôt le terme de frustration et je me disais, ben, je vais essayer de comprendre pourquoi les gens sont frustrés, quoi. Attends, excuse-moi, ça veut dire que tu as commencé par mener des entretiens et c'est comme ça que ça a émergé Ouais, un petit peu. Ok. exactement. Je Avec des pense. travailleurs humanitaires qui ont pas mal évoqué le sentiment de frustration, c'est ça? Oui, enfin, y a plusieurs choses, hein. C'est un lent processus. Mais tu as raison. Disons qu'au cours de la première année, mes premiers entretiens étaient orientés efficacité, c'est-à-dire que je leur posais la Ah. question, c'est quoi, pour toi, c'est quoi les objectifs de l'organisation? Parce que je me disais, pour optimiser, bah, il faut avoir des objectifs, puis derrière, on va réfléchir à comment faire au mieux. Donc, je posais la question, c'est quoi les objectifs? Et puis derrière, ça serait quoi une organisation efficace? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Mais en même temps, j'étais un petit peu encadré, et donc on m'encourageait à poser des questions sur les parcours de vie et puis sur les questions des représentations. Et donc je me rendais compte à quel point tous les individus qui étaient en face de moi avaient des représentations différentes de ce que pouvaient être les objectifs de l'organisation. Ils disaient tous des trucs différents. Donc déjà, comment on peut s'entendre? Alors que, bon, il y avait des choses qui revenaient, mais c'était souvent, les choses qui revenaient étaient souvent liées plutôt au discours public de l'organisation. Mais bon voilà, donc il y avait ces choses-là, et puis dans les parcours de vie, je me rendais compte d'un certain nombre de choses. Et puis quand même, cette question de la frustration, ou disons que je sais plus comment je posais la question, mais je disais, voilà, quel a été le meilleur projet pour toi ou le plus mauvais? Et il me disait pourquoi, et il le justifiait, et finalement, dans le plus mauvais, j'insistais, alors c'était quoi, qu'est-ce qui te plaisait pas, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça, progressivement, je pense que je me suis orienté plus vers ces questions de frustration. Et là, dans les discussions avec des collègues, sociologues, etc. Alors d'abord, pendant longtemps, un certain nombre de collègues sociologues plus assis dans la discipline considéraient que ça n'était pas un sujet, parce que alors là, tu as des questions de légitimité, académique, mais effectivement, qui vont considérer que tout ce qui est du ressort des émotions, en fait, renvoie à la psychologie et n'est pas un objet d'étude pour la sociologie. Cela étant, en fait, depuis les années 80, il y a différentes approches qui ont considéré que les émotions, au même titre que n'importe quoi, peuvent tout à fait être un sujet aussi pour les sociologues. Alors, ce sera pas forcément étudié de la même façon, et pas avec les mêmes concepts, avec les mêmes notions, et puis voilà, enfin, ça ne sera pas les mêmes questionnements, mais évidemment, ça va se rejoindre, évidemment, ça va être assez proche. Voilà, et donc après, pour des considérations académiques, enfin, universitaires, j'ai ma littérature, il a fallu que je l'oriente davantage vers celle des sociologues, en tout cas des écrits davantage sociologiques, donc de la sociologie des émotions. Mais il n'empêche que moi, au début, vu que je me fichais des frontières académiques, j'allais piocher beaucoup chez les psychologues qui m'apportaient beaucoup de choses, quoi. Donc au final, je pense qu'il y a un petit peu des deux, et on m'a reproché jusqu'au bout de faire trop appel aux psychologues. Enfin voilà. D'accord. Alors, pour rendre ça un petit peu concret, tout à l'heure, tu disais toi-même que tu avais peut-être une vision un peu idéalisée du secteur humanitaire avant même de partir. Et là, tu nous dis que dans tes entretiens, les travailleurs humanitaires avec qui tu as pu avoir des échanges avaient des représentations du travail humanitaire qui étaient différentes. Comment est-ce que tu pourrais nous illustrer ce que c'était pour toi à l'époque une vision idéaliste de l'humanitaire? Tu pensais que c'était quoi l'humanitaire avant de te lancer? Du côté idéaliste, je pense que c'est surtout de se dire que, en fait, c'était un milieu qui aurait peut-être été épargné des tensions entre collègues, par exemple, et de se dire, vu qu'on est là pour une bonne cause, une cause commune, et puis qu'on fait pas trop attention au salaire, en particulier chez MSF, où la première année sur le terrain, à l'époque, en tout cas, on avait des indemnités, c'était genre 600 euros par mois. Et c'était déjà pas mal, puisque quelques années avant, c'était même zéro. Donc, à partir du moment où on venait pas pour ça, c'est qu'on allait bien s'entendre. Voilà, donc ça peut faire partie de la vision idéaliste. C'était aussi, dans l'idéalisme, je pourrais aussi mettre la question des effets pervers et l'idée, enfin, justement, la surprise de voir qu'en fait, ce que tu peux faire peut avoir un effet contre-productif, enfin, un impact contre-productif. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Bon, en fait, tout peut avoir un impact contre-productif. Donc, mais je peux prendre par exemple la question, une question qui revient souvent, celle de la dépendance que l'on peut créer chez ceux à qui on apporte de l'aide. C'est le fameux truc du pêcheur, on lui plutôt à pêcher, etc. Parce qu'effectivement, si tu lui apprends pas à pêcher, ben, en fait, il sera toujours dépendant de toi pour pêcher, quoi. Je sais pas si c'est très clair, enfin il y a Si, en tout si, cas si, c'est. si, c'est un adage qui dit si quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner un poisson, apprends-lui à pêcher. Merci, voilà. Tu le dis mieux, bon, mieux que moi. Mais donc mais c'est l'idée que même c'est pas du tout enfin, c'était pas l'idée d'imposer d'apprendre à pêcher et comme si la personne ne savait pas pêcher. C'est presque pire que ça. C'est-à-dire que en fait, avant que tu arrives, les gens ils se débrouillent, ils vivent. Ils ont une façon de faire. Toi, tu arrives avec ta façon de faire. Je pense qu'elle est meilleure, éventuellement. Tu vas leur dire de faire comme ça. Résultat, ils vont intégrer cette façon de faire-là. Mais sauf que ça vient avec des moyens, souvent, des moyens techniques, des moyens, je sais pas, des voitures, des pharmacies avec plein de médicaments chez Médecins Sans Frontières. Et puis quand tu pars, bah, la pharmacie, elle n'est plus approvisionnée. Les voitures, elles tombent en ruine. Et donc, en fait, tout le système que tu as mis en place, bah, il n'est plus là. Et donc, en fait, tu as pu rendre dépendant. Ah ouais, non, je vais donner un meilleur exemple. La question de l'effet pervers, pardon. On va oublier juste ça. Enfin, on peut le mettre dedans, mais il y a un exemple qui est plus parlant. C'est le fait qu'avec Médecins Sans Frontières, on impose sur le terrain la gratuité des soins. OK. Or, la plupart des systèmes de santé fonctionnent avec au moins une faible participation financière des patients. Ce qui leur permet justement d'aller acheter des médicaments, payer leur médecin, tout ce qu'on veut. Et finalement, ça peut fonctionner en circuit fermé, soit au niveau national, soit au niveau local. Parfois, tu peux avoir un centre de santé qui fonctionne comme ça, quoi. Mais sauf que chez MSF, quand on rentre dans un centre de santé et qu'on le prend en main, ben, en fait, on impose la gratuité des soins. Donc les gens sont plus habitués à payer pour les soins. Et puis derrière, quand on s'en va, ben, les gens ne veulent plus payer. Voilà. Bon, ça, c'est un petit exemple de fait pas mal. Mais on pourrait en faire. Non, c'était clair, merci. Oui, j'imagine qu'on peut en trouver plein. Mais donc, c'était pour illustrer un petit peu cette vision idéaliste où tu te disais, il n'y aura pas de tension dans l'équipe puisqu'on est tous là pour la bonne cause. Ce qu'on va faire, c'est merveilleux et on va les aider. Et en fait, sur le terrain, tu te rends compte que les équipes, c'est comme partout, ça se tire dans les pattes Voilà. et il y a des tensions. Et tu te rends compte que, en fait, parfois même, l'action que tu penses être Voilà. vertueuse, La raison pour pas des... laquelle tu pensais venir, en fait, n'a pas de sens. Éventuellement. Enfin, tu peux le percevoir comme ça. Et donc, parlons maintenant du coup de ta thèse. Est-ce que tu as découvert ce que c'était? Donc, ces ressorts de la frustration. Non, pas la frustration, l'insatisfaction. Oui. Est-ce que j'ai découvert? En tout cas, j'ai apporté des réponses qui me satisfont. Voilà, en tout cas, moi, je suis content. Disons que je me suis appris des choses que je ne savais pas. Je ne sais pas si les autres apprendraient des choses en me lisant, mais en tout cas, moi, en écrivant cette thèse, en faisant mes recherches, j'ai appris des choses. Et donc, mes réponses me satisfont. Cela étant, ce que je peux dire. Enfin, je ne sais pas si tu m'interromps aussi si je nous embarque pas forcément dans la bonne direction. Il y a d'abord la question de l'insatisfaction. Pourquoi être passé de la frustration à l'insatisfaction? Je ne sais pas si Oui, ça. parce que je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que voilà. Tu parles Mais beaucoup de frustration et après tu arrives à l'insatisfaction. Vas-y, voilà. développe ce point-là, oui. Alors, en fait, ça, ce n'est pas spécialement une réflexion de moi, dans le sens où moi, je m'attachais pas mal à la question de la frustration, mais j'avais quelqu'un qui, ben, Marc Lepape, pour ne pas le citer. Qui est un chercheur, je pense à la retraite, mais qui était directeur de recherche au CNRS, je crois. Ah, oui, CNRS, rattaché à l'EHESS, qui en fait est conseiller pour le CRACH, donc le Centre de réflexion, action et savoir humanitaire chez MSF. Et donc il m'a beaucoup aidé. Et entre autres, bah, il m'interrogeait sur ça. Hein, mais pourquoi la frustration? Et dans ce cas-là, où est-ce que je mets la colère, la tristesse Ah, ok. La fatigue et tout ça. Et est-ce que je dois le traiter séparément? Est-ce que je dois traiter chacun de ces éléments-là séparément et essayer de comprendre les ressorts de chacun de ces trucs-là? Le burn-out, est-ce que je le mets dedans? Et face à cette juste remarque, bah, la solution que j'ai envisagée, c'était de prendre un gros sac et de tout mettre dedans. Et ce gros sac, je l'ai appelé soit satisfaction pour les situations où ça se passe bien, soit insatisfaction pour les situations où ça se passe mal. Quand je dis ça se passe bien ou ça se passe mal, en fait, je m'appuie sur la subjectivité ou le jugement personnel et en considérant que il y aura insatisfaction si la personne que j'interviewe juge de façon négative la situation dans laquelle elle se trouve et ou si elle évoque un certain nombre d'émotions qu'on va traditionnellement qualifier de négatives. Par exemple, si elle me dit je suis dégoûté, je suis machin, bon, je vais appeler ça de l'insatisfaction. Voilà. Ok, Donc ça, c'est donc une en vision fait c'était une façon de personnelle. regrouper satisfaction à satisfaction, c'est une façon de regrouper un petit peu la frustration, mais aussi plein d'autres émotions, plein d'autres Ouais, sorts. Ok. exactement. Et donc ça m'a permis de traiter aussi voilà, tout ce qui est burn-out, risques psychosociaux, etc., qui sont peut-être des sujets desquels, en tout cas, toi, t'es peut-être familier. Et voilà, j'ai intégré tout ça là-dedans. Dans mon gros sac insatisfaction, il y a la fatigue compassionnelle, la fatigue, enfin, le stress au travail, le stress, tout simplement, ces choses-là. Ok. Et donc, tu dis que ça a apporté des réponses pour toi. C'est quoi l'avant-après? Avant ta recherche, tu pensais quoi? Et après ton travail de recherche, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir justement le travail humanitaire? Bon alors avant après bon il y a tellement de choses qui ont changé, je pense que je vois le monde de façon très différente, mais surtout ce que je dirais bah c'est là ça sera personnel hein, c'est-à-dire que ça c'est de la réflexivité, c'est-à-dire je me revois finalement tel que je pouvais, enfin, disons je comprends dans quoi j'étais pris à l'époque et ce qui pouvait me perturber. Et donc l'avant-après, ça serait par quel bout je vais prendre ça? De toute façon, demander à un thésard d'expliquer sa thèse, c'est toujours un exercice compliqué. Oh, je peux le faire. Après, ce qu'il y a, c'est que ça dépend, oui, si je pars sur l'explication de la thèse, ça, je peux le faire. Mais sur l'avant, après, moi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour essayer de répondre plutôt à ta question, ouais, en tout cas, c'est que j'étais capable de me resituer et je vais peut-être illustrer ça. Moi, je me situais dans un groupe particulier d'expatriés. Pour le faire schématiquement et dans ma thèse, j'ai fait un tableau où je le faisais de façon schématique comme ça. Évidemment, tous les schémas sont discutables parce que à partir du moment où on schématise, on catégorise, ça veut dire qu'on met de côté des choses. Et donc, c'est discutable. Cela étant, moi, j'avais découpé ça. Alors là, il faut que je fasse travailler ma mémoire. Mais disons que j'avais les satisfaits. Non, on va prendre les insatisfaits. J'avais les insatisfaits parce que bah, ils étaient en bas de la hiérarchie et ils se pensaient meilleurs que les autres. Alors, bon, ça, c'est une catégorie d'insatisfaits, disons. Ok. Donc, tu vois, imagine, en résumé, c'était moi. Je commençais en bas de la hiérarchie des expatriés, mais j'avais confiance en moi ou dans mes connaissances. Je pensais que mon diplôme d'ingénieur, j'étais un peu plus malin que les autres. Et donc, bah, quand t'es en bas de la hiérarchie, il y a certains sociologues, psychologues qui parlent d'action empêchée. Bah justement, t'es dans cette situation-là. T'as envie de faire des choses, mais tu ne peux pas parce que t'as pas les responsabilités, ou ta hiérarchie ne te fait pas confiance, ou n'a juste pas le temps de t'écouter parce qu'ils ont autre chose à faire, ou parce que t'es pas légitime et que le discours que tu tiens, de toute façon, en fait, il leur paraît un peu débile. Et donc, toi, tu souffres. Parce que tu aimerais bien faire des choses, tu as une opinion sur ce qui se passe et surtout tu as une opinion en plus que tu penses légitime et tu penses que tu es un peu meilleur quand même, tu es un petit peu plus malin. Et ben ça fait mal. Là, tu es un petit peu Okay. insatisfait. Là, surtout, tu vas peut-être beaucoup travailler, tu vas être fatigué, tu vas être frustré, en colère, enfin dégoûté, et puis tu vas peut-être abandonner au bout d'une mission et tu vas quitter le milieu. Donc moi, j'étais là-dedans et je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Et ça génère plutôt de la satisfaction, c'est ça que tu dis? Et ça génère plutôt de la satisfaction, c'est ça que tu dis. En tout cas, ça, alors, c'est dans la matière, je ne dis pas tout à fait ça, je dis ça protège de l'insatisfaction. Ah. Par contre, ça peut être neutre. C'est-à-dire que c'est pas non plus, tu vas être, waouh, c'est trop bien. C'est pas non plus nécessairement ça. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être juste neutre. En tout cas, au moins, tu ne souffres pas. Parce qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi toute la thématique des sujets pour lesquels tu vas être relativement indifférent. Parce que encore faut-il, alors ça, faut en parler, mais enfin, il faut en parler pour être ému, et disons qu'il faut être concerné. Et donc pour avoir des émotions positives ou négatives et se trouver en difficulté ou voilà, il faut en fait être concerné par ce qui se passe. Or, il se peut aussi que en fait sur ces thématiques-là, moi j'en ai rien à secouer. Et donc résultat, peu importe si je me pense meilleur ou moins bon que les autres, en fait c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et donc en fait j'ai pas d'émotion sur ce sujet-là, ça ne me touche pas. Donc encore faut-il, pour développer des émotions positives ou négatives, que on parle d'un sujet sur lequel j'ai de l'affect. Et ces sujets-là, là aussi, on peut le démonter sociologiquement, dans le sens où on peut essayer de comprendre dans le parcours de vie antérieur. Pardon, il y a eu un bruit là. Qu'est-ce qui m'a déterminé à être sensible à cette thématique-là plutôt qu'à telle autre. Peut-être que c'est mon parcours d'études, mon parcours de vie, mes études, mon environnement familial, etc. Enfin bon, il y a différentes raisons. Et après, donc là, j'ai mis de côté deux catégories. Mais en fait, il y a deux autres catégories qui peuvent aussi mener à l'insatisfaction ou à la satisfaction. Il y a l'inverse de ceux qui, disons, sont. Oui, alors ce que je peux dire aussi, c'est que, pardon, juste avant de faire les deux autres catégories, ce que je peux dire aussi, c'est que même si je suis imbu de moi-même, je peux avoir de la chance, c'est-à-dire que ben, je peux avoir une première mission, un premier projet, une première responsabilité, où en fait, je vais pas être ennuyé par la hiérarchie, je vais être relativement indépendant sur mon projet, Ah oui, et bo donc. avec beaucoup d'autonomie. Ouais, avec beaucoup d'autonomie, ou parce que tu vois, je suis sur le côté psycho, et en fait, je suis le seul de mon projet sur le côté psycho, et donc en fait, je vais pas être emmerdé. Donc, même si je suis imbu de moi-même, en fait, ça va bien se passer parce que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Et donc, ça va quand même être lié, même si je suis en bas de la hiérarchie, mais si j'ai personne au-dessus pour en fait m'ennuyer, ça peut passer, et ça peut même bien se passer. Donc, voilà, et ça, c'est quand même important. Et donc, de l'autre côté, je disais les deux autres catégories. Qui peuvent aussi mener à l'insatisfaction et satisfaction, mais de façon inversée. Donc là, il faut juste que je me remette en tête. Oui, il y a ceux qui peuvent être imbus d'eux-mêmes, en position de ne. Enfin, pardon. Justement, ils ne sont plus imbus d'eux-mêmes. Mais ils ont peut-être quand même un niveau de diplôme important. Ils sont peut-être blancs, c'est peut-être des hommes, ils sont peut-être du Nord. Et ils sont peut-être à un endroit où ils n'ont pas de pouvoir. Enfin, ils sont en bas de la hiérarchie. Mais ils pensent. Ils pensent que ils considèrent que la situation sociale dans laquelle ils se trouvent ne devrait pas leur octroyer un avantage sur les autres. Enfin, je vais me donner un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Il y avait par exemple un vieux chirurgien de MSF qui considérait que c'était place aux jeunes. Et lui, bah, il était chirurgien, il était blanc, il était vieux. Il avait tout ce qu'il fallait sur le papier pour ne pas être content ou plutôt considérer qu'il devrait sa parole devrait être écoutée. Mais en fait, lui, il avait une posture différente qui était justement de considérer que le rapport de domination, disons, qui voudrait que dans la société les hommes blancs âgés domineraient les autres. Eh ben, il était injuste ou injustifié, et que au contraire, ça devait être les jeunes, etc., qui devraient être écoutés et devraient avoir le pouvoir. Et donc, en fait, ben, justement, il rebasculait le truc en se mettant du côté de ceux qui faisaient confiance aux autres. Enfin, d'une certaine façon, ça fait comme des croisements. En fait, ça revient comme s'il revenait dans l'autre catégorie de ceux qui sont jamais insatisfaits parce qu'en fait, ils font toujours confiance aux autres, ils pensent que les autres. Bon, en fait, ils glissaient dans cette catégorie-là. Donc, je dis quatre catégories, on pourrait dire que deux, hein, à la limite. Mais je vais donner un autre exemple. c'est de dire aussi que, par exemple, si je suis, et bon, je schématise, mais quelqu'un de pas diplômé, peut-être une femme et peut-être du Sud, bah, peut-être que d'habitude, je vais me dénigrer et je vais avoir une présomption d'incompétence me concernant. Mais en fait, on le sait aussi, hein, il y a beaucoup de groupes de lutte pour faire reconnaître des rapports de domination et des situations qui ne seraient plus pas acceptables. Et donc en fait, à l'inverse, si je ne suis pas diplômé, eh ben, on peut penser, si on pense à la France en ce moment, en ce moment où il y a quelques années, aux femmes de ménage, je ne sais plus si c'était quel hôtel en banlieue parisienne, mais qui se sont rebellées finalement vis-à-vis de la situation dans laquelle elles se trouvaient. Et donc en fait, à l'inverse, chez MFF, on pourrait retrouver ce même type de processus, des gens qui vont glisser dans la catégorie qui était la mienne au départ, finalement considérer que les rapports de domination ne sont pas acceptables tels qu'ils sont, et que la catégorie sociale à laquelle j'appartiens devrait être mieux reconnue. Et à Ah oui, partir de d'accord. là, on se retrouve dans ma situation, c'est-à-dire encore de nouveau de l'action empêchée, des gens qui peut-être n'avaient pas de diplôme. En fait, ne me correspondait pas du tout socialement, mais qui vont se retrouver dans la même situation et être disposés à autant d'insatisfaction que moi, parce qu'en fait, ils vont considérer que la situation en train de se jouer n'est pas légitime et que leur voix devrait être davantage écoutée, comme moi, je pensais que la mienne devait être davantage écoutée, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence alors cette insatisfaction? Parce que au final, est-ce que c'est grave? Oui, enfin, oui, bonne question. Non, ce n'est pas grave. Merci, docteur. Oui, non, non, c'est évidemment, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je considérais que ça pouvait l'être. En fait, évidemment, c'est comme tout, ça dépend des proportions. Quand ça mène à de gros burn-out, des gens qui peut-être éventuellement vont suicider, ou pour l'organisation, une difficulté à avoir de la rétention de ressources humaines. En tout cas, d'individus qui ont été formés dans l'organisation et que les gens partent, voilà, ça peut devenir problématique individuellement, ça peut devenir problématique collectivement pour l'organisation, quand ça atteint, voilà, des échelles trop importantes. Cela étant, même quand ça atteint des échelles trop importantes, enfin, on peut aussi voir le verre à moitié plein et l'autre côté, et se dire que bah, voilà, de tous les échecs, on peut en faire une force, etc. Et donc, il y a une vision qu'on pourrait qualifier de doloriste. Et de considérer qu'à partir de cette douleur, justement, on en fait quelque chose de bien. Et donc, on peut considérer que c'est grâce à une succession de frustrations qu'aujourd'hui, on a toutes les organisations humanitaires du secteur et que c'est très bien qu'elles soient là. On peut aussi discuter du fait que ça soit bien que le secteur soit tel qu'il est. Mais on peut considérer que MSF a été fondé par Bernard Kouchner et Max Récamier, qui étaient frustrés de leur situation avec la Croix-Rouge, que finalement, Médecins du Monde a été créé grâce à la frustration, encore une fois, de Bernard Kouchner, qui n'a pas été écouté en interne, que WAHA, une autre organisation militaire qui s'intéresse aux femmes, a été créée fort heureusement par un ancien de MSF qui lui aussi était frustré par ce qui se passait, que Halima a été créée par des gens de MSF qui étaient frustrés de voir qu'il n'y avait pas suffisamment d'attaches locales, ou en tout cas pas suffisamment de paroles locaux. Donc en fait, on peut considérer que de toutes ces souffrances, de toutes ces frustrations, sont nées des choses qui ne seraient pas nées autrement, et que c'est grâce au fait que des gens aient été insatisfaits au sens que j'ai donné, qu'on a eu autant de créativité ensuite, par exemple en termes d'organisation, mais on peut aussi voir ça d'un point de vue individuel. Finalement, c'est aussi la frustration que j'ai rencontré sur le terrain, qui m'a amené à faire la thèse et à ce qu'on discute aujourd'hui ensemble. Donc voilà, on peut considérer que la vie est une succession d'émotions positives, négatives, qui nous emmènent à droite, à gauche, et qu'il n'y a pas de bien ou de non bien, que toutes les émotions sont bonnes à prendre, et que voilà. Oui, et puis émotion, ça veut dire ce qui met en mouvement. Donc, Exactement, voilà, c'est ça. ouais, c'est, je comprends ce point de vue. Mais en fait, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la rétention du personnel humanitaire. En fait, il y a aussi pas mal ces chiffres qui circulent que plus de 50% des personnes qui font une première mission ne renouvellent pas de mission humanitaire. En fait, sous-entendu, il y a beaucoup de personnes qui font une mission humanitaire et qui après n'y reviennent pas. Et ça crée d'une certaine façon, une forme de turnover. Enfin, tu parlais de rétention RH. Est-ce que toi, tu penses que ça a un rôle à jouer assez important, l'insatisfaction, dans le fait de reconduire ou pas sur une nouvelle mission? Moi, je pense que oui, enfin, je pense que disons, comment dire, sous-mesuré. Enfin, disons qu'il y avait un certain nombre, enfin, il y a toujours, il y a de plus en plus même d'enquêtes internes, au moins chez Médecins sans frontières, sur le post-mission et les raisons, enfin, savoir comment ça s'est passé et puis après les raisons de départ. Mais bon, il y a comme toute enquête quantitative, c'est difficile et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'angles morts. Donc, je pense que c'est sous-perçu, ce sujet-là. Je veux pas dire du tout que parmi les 50% qui s'en vont, c'est 50% de frustrés. Absolument pas. Il y a beaucoup de raisons personnelles pour lesquelles les gens font pas plus d'une mission. Ça peut être des raisons financières, des raisons des enfants, de vie de famille, ou parfois des parenthèses, des gens qui voulaient juste avoir l'expérience une fois. Il y a plein de raisons. Mais disons que, alors que dans certaines enquêtes, ça pouvait apparaître comme quasiment 0% de gens qui seraient partis pour ça, je pense que c'est pas zéro. Je pense quand même qu'il y en a, il y en a un certain nombre, voilà, un pourcentage. Mais je vais pas dire de chiffres parce que c'est difficile à dire et que surtout, les raisons sont toujours multiples. Enfin, ça peut être vie de famille mêlée à frustration ou raison financière plus burn-out. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Il y a toujours un faisceau de réseau, de raisons. Et alors, selon toi, comment est-ce qu'on lutte contre cette insatisfaction? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu disais, toi, tu n'avais pas été préparé à ça, tu n'avais pas été formé à ce secteur-là. Tu l'as fait parce que bah, tu en avais envie, que tu as postulé, tu as fini par être accepté, malgré le fait que tu n'avais pas, entre guillemets, une formation dans ce secteur-là. Comment est-ce qu'on s'en prémunit? Est-ce que tu penses que le fait de faire une formation spécifique au secteur humanitaire, ça aide à limiter cet impact de l'insatisfaction? Alors, comment on s'en prémunit? Bon, la première chose, c'est comme tu l'as juste par rapport à la question que tu posais justement tout à l'heure, il n'est pas forcément, on peut considérer qu'il n'y a pas de raison de s'en prémunir parce qu'en fait, ça peut avoir, voilà, ça peut être moteur par ailleurs. Mais bon, si on considère que à une certaine échelle, quand ça devient trop, voilà, il faut s'en prémunir, si on considère ça. Est-ce que se préparer à ces questions-là ou être formé, ça aide? Moi, je pense que oui, beaucoup. J'ai pas d'indicateurs quantitatifs précis. Par contre, ce qui me semble relativement clair, c'est que quasiment 100% des gens qui ont fait BioForce que j'ai rencontrés ont fait plusieurs missions, ont souvent fait plusieurs ONG. Et en général, voilà, sont pas perplexes lors de leur première mission. Disons Ah qu'ils oui. s'attendaient quand même un peu à trouver ce qu'ils ont trouvé. Ils savaient un peu plus où ils mettaient les pieds que les autres. Et donc, voilà, enchaîner une deuxième, une troisième, quatrième mission, c'est un peu plus facile. Je dis pas que ça n'arrive pas et qu'il n'y a pas certaines personnes chez BioForce ou ailleurs qui vont quitter, même démissionner au milieu de première mission parce qu'ils sont dégoûtés. Je dis pas ça, mais par contre, clairement, dans mes entretiens, ceux qui ont fait BioForce étaient beaucoup plus tempérés sur leur jugement, sur l'organisation. D'accord. Et donc tu penses que oui, c'est ça, c'est que ça réduit l'écart entre l'idéalisme qu'on peut avoir avant mission et le Je choc avec la réalité de la mission. pense. Après, dans les conseils, ou en tout cas, ce qu'on pourrait faire, enfin, moi, c'est un conseil d'humain, enfin, de vie en société humaine, bah, c'est d'essayer de faire autant que possible, et parfois c'est pas facile quand on est fatigué, mais de faire attention aux autres, de les écouter et de pas les dénigrer, parce que vraiment, une des sources de souffrance, c'est clairement cette idée d'action empêchée, c'est-à-dire quand il y a des gens qui ont des initiatives, au moins les écouter, et si c'est nous qui avons le pouvoir et qu'on peut pas suivre leurs initiatives, bah, leur expliquer, voilà, prendre du temps, et c'est pas toujours facile hein, dans le milieu humanitaire, pas toujours le temps. Et donc, c'est un juste équilibre à trouver entre le temps qu'on a et les nécessités opérationnelles. Mais disons, bon, essayer au maximum de prendre le temps, justement, de pas se faire manger par l'urgence et de s'écouter les uns les autres, qui qu'on soit. Mais bon, c'est des conseils qui sont de bateau comme ça, parce que le conseil de vie en société pour tout le monde. Mais Non, mais c'est très intéressant de pouvoir aborder justement un peu ces questions-là. Bon, faut dire aussi que ce podcast, il a un peu cette vocation-là aussi, c'est de démystifier un petit peu le secteur humanitaire, d'apprendre à mieux le connaître de l'intérieur. Tu penses quoi de l'image qui est renvoyée et qui est véhiculée de l'action humanitaire par les médias, par les ONG, etc. Est-ce que tu ne penses pas que ça contribue un petit peu à créer une idéalisation de ce qu'est le travail humanitaire? bah, peut-être, ça dépend à quelles images tu penses, parce que j'ai envie de dire que plus les années passent, plus on a d'exemples d'organisations qualifiées d'humanitaires qui sont critiquées. Enfin, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Il y avait l'Arche de Zoé, évidemment, des petits enfants qui étaient adoptés en France, qui étaient enlevés au Soudan. Il y avait cet agent, bon là, il y avait un programme dollar contre pétrole, je crois, en Irak. Donc c'est pas tout à fait l'humanitaire, mais c'était les années 90, au moment de enfin bon, très très décrié aussi, ou en tout cas on a mis à jour beaucoup de corruption. Il y a tout ce qui est marché de l'humanitaire pour souvent les Occidentaux qui vont payer leur séjour 500 euros quand localement le salaire est de 100 euros par mois et puis ils payent pour faire 2-3 semaines un petit séjour humanitaire. Voilà, je crache pas dessus, mais en tout cas il y a beaucoup de reportages dans les médias qui peuvent pointer du doigt certains pans de l'humanitaire qui sont pas forcément très glorieux. Donc je suis pas très, tout à fait sûr de cette image-là. Voilà. Donc après je sais pas. Je ne saurais pas trop répondre à ta question plus que ça. Enfin, Oui, en fait, tu dis que y a quand même des exemples que le travail humanitaire n'est pas toujours fait de façon professionnelle ou adéquate. Et donc, il y a un peu tout dans les représentations médiatiques qu'il y a, etc. Une question qu'on m'a déjà posée, et je ne sais pas si du coup ça fait partie de tes réflexions, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un profil type chez les humanitaires? Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de. Un peu de faille fondamentale ou profonde qui fait que les personnes se lancent dans le secteur humanitaire. non, enfin, en tout cas, chez MSF, clairement pas. Clairement pas. Enfin, c'est-à-dire que les profils ont beaucoup changé. Ah là, je t'entends plus là, à cause du vent. Là, tu m'entends? Là, ça va. C'est vrai qu'on entend un peu le vent. Non, je me déplace un tout petit peu. Non, écoute, ça a l'air d'aller. Regarde si tu approches un tout petit peu ton micro, mais sinon, je crois que ça va. Ouais, Je vas-y. pense que ça va mieux. Ouais. Ok. Oui, ce que. Attends, pardon. La question, c'était. La question, c'était, est-ce que tu penses qu'il y a un profil type chez les travailleurs humanitaires? Est-ce que tu penses qu'il y a. Oui, non. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que voilà, le secteur a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a peut-être chez MSF, en tout cas, 30-40% d'individus qui viennent du Sud, des Suds, avec des gens de tout profil, de tout niveau d'études, de la campagne, de la ville, etc. Donc non. Oui, à une époque, années 90, 2000, 2010, chez les Occidentaux, chez les Français, on va peut-être retrouver un peu plus un type de profil qu'un autre. OK. Et encore, pas facile à définir. Donc pour le faire vite, je ne souscris pas à ça, dans le sens où, vu de notre lorgnette éventuellement, mais une lorgnette large à l'échelle du monde, des grandes organisations comme le FEB. Ok. Bon là, il y a vraiment beaucoup de vent là. Je suis pas sûr qu'on t'entend les gens. Me déplace. Ouais, vas-y, essaye de voir en te déplaçant si. Bon, donc là, il y a une petite coupure parce que tu as dû te déplacer à cause du vent. Vous avez dû entendre qu'on n'entendait pas très bien. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je sais même plus où un peu les autres sujets que je voulais aborder avec toi. Mais Excusez-moi. Je vas-y, peux t'aider. excuse-moi. Non, mais il y a un petit sujet dans ma tête dont je n'ai pas parlé. C'est que dans ma thèse, en tout cas, j'abordais le fait, j'en ai un petit peu parlé de façon implicite, c'était de dire que cette insatisfaction, en tout cas les émotions qu'on pouvait rencontrer, pour essayer de les décrypter dans ma thèse, j'avais découpé en deux parties distinctes la thèse, en mettant d'un côté les contextes, en disant que chez MSF, dans le milieu humanitaire, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de tensions qui laissent place à de l'incertitude et finalement à des enjeux, des rapports de pouvoir, mais qui sont pas, qui n'ont rien à voir avec l'individu, qui sont propres au secteur, voire propres à l'organisation. Chaque organisation a ses tensions, ses limites, etc. Donc ça, c'était une chose, c'était toute une partie de la thèse. Et il y a une autre partie de la thèse qui s'intéresse à l'inverse, aux individus, et qui considère que face à une situation donnée, à des tensions données, on ne réagit pas tous de la même façon. Donc là, ça s'intéresse au parcours de vie et au fait que, bah, justement, la question à l'instant, on vient de plein de zones du monde, qu'on a des parcours de vie extrêmement différents, des religions différentes, des façons de voir le monde différentes, et que face à un même contexte, on ne le vit pas du tout de la même façon. Donc il y avait une deuxième partie de la thèse qui s'intéresse à ça. C'était juste pour une petite parenthèse. Oui, qui est important, c'est-à-dire qu'il y a les facteurs organisationnels, mais il y a aussi les facteurs individuels. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis bon, tu parlais tout à l'heure des risques psychosociaux. Voilà, il y a aussi ces aspects-là quand on parle de santé mentale, l'organisation du travail et les individus s'entrechoquent parfois, quoi. Ok, très bien. Et tu parlais justement donc de l'image un petit peu des humanitaires, etc. Des ONG. Tu travailles encore aujourd'hui, enfin tu travailles sur un sujet, je sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu, mais à Médecins sans frontières, il y a une cellule qui s'occupe de gérer tout ce qui est abus sur le terrain. Et en fait, ça m'y a fait penser parce que tout à l'heure, quand tu parlais des scandales dans l'humanitaire, il y avait eu ce scandale à Oxfam, notamment avec des histoires de violences sexuelles et de voilà qui était faite au sein de l'ONG. Enfin, c'est pas du tout pour jeter le discrédit sur Oxfam, c'est juste que malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, ça avait été médiatisé, mais ça arrive déjà dans toutes les organisations du travail en général, et ça arrive dans le secteur humanitaire aussi. Et du coup, je sais qu'il y a des ONG, notamment comme Médecins sans frontières, qui ont commencé à mettre en place des cellules d'enquête pour essayer de prévenir et de punir ce genre d'abus. Tu pourrais nous en parler un petit peu, en quoi ça consiste d'être, enfin, cette cellule-là, ce travail-là? Oui, je peux en parler sans doute un peu. Moi, j'ai fait des enquêtes donc pour Médecins sans frontières Belgique et Médecins sans frontières Suisse, donc je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, et même chez les Belges, chez les Suisses, j'ai pas de grande responsabilité, enfin, je suis juste enquêteur. Donc, ce que je peux dire, en tout cas, de ma connaissance de ces sujets-là, aussi, c'est... Alors, avant les années 2000, je ne sais pas trop comment c'était géré, mais disons que depuis les années 2000... En tout cas, ça apparaît dans les rapports annuels que, y a tant d'abus qui ont été mis en lumière, etc. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ça a été de plus en plus formalisé. Et chez MSF, il y a des typologies d'abus qui ont été définies de façon intersectionnelle. Donc, quelles que soient les sections, c'est les mêmes typologies d'abus. Ce n'est pas forcément les mêmes processus pour les mettre en lumière ou les. Voilà, au point du processus d'enquête, enfin, c'est théoriquement plus ou moins la même chose, mais en pratique, c'est pas tout à fait pareil. Mais toujours est-il, donc je crois que c'est depuis 2018, je crois, à vérifier, hein, 17 ou 19, donc il y a cette typologie qui est la même, quelles que soient les sections. Et donc ça a évolué dans ce sens-là. Après, là, l'évolution suivante, c'est celle de se dire que on va de plus en plus vers l'idée d'une zéro tolérance, simplement, bah, voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on dit. En pratique, bah, il faut des ressources, hein, pour faire des enquêtes. Il y a aussi toute la question de la remontée d'alerte, comme partout. On entend en particulier parler avec MeToo. Mais voilà, c'est pas facile d'être un lanceur d'alerte. C'est pas facile de se plaindre de quelqu'un. On a peur des conséquences pour sa carrière, etc. Donc il y a tous ces sujets-là. Mais disons, quand il y a des choses qui remontent, bah, MSF essaye d'enquêter. Après, MSF est limitée aussi dans ses enquêtes, non seulement donc par les ressources humaines, enfin par les moyens qu'elle peut mettre en place, même si elle essaye d'en mettre de plus en plus, mais elle est limitée aussi par l'accès à l'information. Donc, en général, ça se passe par des entretiens. Ce qui est intéressant, c'est que il s'agit d'enquêtes administratives internes, donc on a nos propres règles et le niveau de preuve n'est pas du tout le même. Il suffit d'être convaincu, en tout cas d'emporter la conviction de la cellule des abus, pour considérer qu'une personne est coupable, enfin voilà, au sens de la typologie des abus. Alors c'est quoi, Et excuse-moi, justement, la typologie des abus, juste parce que... pardon, alors ce que je peux dire, cette typologie, je peux donner quelques exemples, hein. Il y a ce qu'on va considérer comme du harcèlement, intimidation, donc avec des définitions, des exemples précis. La question de l'exploitation ou l'exploitation sexuelle. Alors, il y a les abus sexuels qui font l'objet de quelque chose en particulier. Par exemple, les insultes, ça va être défini, mais là, je les ai plus parfaitement en tête. Il y a aussi les agressions, agressions physiques. Ça fait partie des abus. Mais voilà, on a, disons, des listings précis d'abus qui ne sont pas très nombreux, mais à chaque fois bien définis avec des exemples précis. Et donc, c'est sur la base de ces définitions-là que, on peut se plaindre et qu'en même temps, on va caractériser ou non des abus après, à la suite d'une enquête. Ok. Oui, donc tu disais, c'est quand même de plus en plus pris en compte et que après voilà, il y a toute une procédure d'entretien, d'enquête qui se fait en interne et qui après peut déboucher ou pas. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire remonter ça et aider là-dessus. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Ok. Ok, parfait. Y avait un autre sujet qui m'était venu et qui m'a échappé. Si, si, ça y est. Du coup, là maintenant, un peu avec le recul, avec ton expérience, avec ces réflexions, je sais que tu travailles sur d'autres sujets de recherche aujourd'hui, mais à ton avis, qu'est-ce qui resterait à explorer comme sujet de recherche en sociologie sur justement le travail humanitaire, sur le secteur humanitaire? Bon, il y en a énormément. Je pense le plus grand angle mort, bon, pas du tout seulement de ma thèse, mais le plus grand angle mort en général, c'est celui du personnel national. Moi, tous mes articles, ma thèse, elle porte sur le personnel international parce que c'est celui auquel j'avais facilement accès, parce que c'était mes collègues, parce que je pouvais les retrouver quand je rentrais chez moi, parce que aussi, ils m'avaient pas empêché, on va dire comme ça, de m'y intéresser. Alors que pour faire des enquêtes sur le personnel national, disons, j'aurais eu besoin du soutien de l'organisation, que je n'avais pas. Peut-être que je pourrais avoir aujourd'hui si je frappais à des portes. Clairement, je pense que c'est un sujet, hein, pour les organisations, mais après, elles n'ont pas forcément les moyens ou le temps ou l'énergie ou la conviction de s'y mettre. En tout cas, clairement, il y a pas, moi, je connais pas d'écrit, quasiment pas, sur les personnels dits nationaux qui aujourd'hui, pour prendre un autre nom, sont les organisations, mais il n'y en a pas. Or, ils représentent 90% de la masse. Et là, il y a énormément de sujets. Donc là, par exemple, tu disais, je m'intéresse à d'autres sujets. Bon, là, je travaille juste en ce moment à la question de la précarité. Mais clairement, la question de la précarité pour le personnel national, elle est d'un tout autre ordre que celle du personnel international. Quand on a des gens qui doivent aller à l'autre bout de leur pays, qui sont séparés de leur famille pendant 6 mois pour des salaires de misère, et dont on se débarrasse au bout de 6 mois parce que le projet dure pas plus de 6 mois ou parce qu'ils ont fait une mini faute qu'on aurait pardonné 50 fois à un personnel international mais qu'on attend. Enfin bon, la question du personnel national pour moi est sans aucun doute un grand sujet. Et là, on peut tout travailler, quoi. Je dis précarité, mais on Ouais. peut travailler beaucoup de choses sur le personnel national. Ah. Là-dessus, j'ai bah, du coup, je me permets, j'ai un petit apport. Il y a une étude qui avait été faite, alors c'est de la psycho, hein, Ouais. qui avait comparé les facteurs de stress entre personnel national et personnel international, et dedans justement, le côté insécurité de l'emploi était beaucoup plus forte chez le personnel national que chez le personnel international. Il n'y en a pas 10 000. Mais je sais que j'en ai une qui montre ça de façon significative. Oui. Non, évidemment, comme toujours, quand on cherche, on va trouver, mais disons que je vais dire un truc au hasard, mais en tout cas, vu qu'il y a 10 fois plus de personnes nationales que d'expatriés, il n'y a pas 10 fois plus de travaux de recherche sur les personnels nationaux que sur les expatriés, c'est Ouais. plutôt le contraire. Voilà. Donc il y a un rapport, disons, je sais pas, un truc de 1 à 100. Voilà, ce n'est pas. Et on ne connaît pas, on connaît pas les personnes nationales, on connaît pas leur parcours de vie, on ne sait pas qui ils sont, on les connaît pas. On les embauche vite fait pour leur qualité technique et puis on s'en débarrasse aussi vite. Ça, c'est pour le gros. Après, effectivement, il y a quelques épiphénomènes avec des gens qui vont monter dans la hiérarchie, qui vont devenir expatriés. Mais c'est. Voilà, ils représentent pas beaucoup. C'est ce qu'on voit, mais c'est pas ceux qui représentent la masse. Ouais, c'est un angle mort. C'est un angle mort qu'il y a d'ailleurs sur ce podcast aussi. J'avais demandé à Biofort, j'avais pu faire quelques interviews de personnel formé à Dakar, à Bioforce Dakar. Mais c'est vrai que même pour moi, c'est pas facile d'y avoir accès. Et que malgré tout, les profils que j'avais interviewés, ça restait du staff qui avait commencé en tant que staff national et qui ensuite avait été devenu staff international. Donc c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un angle mort. Ce serait quoi les sujets que tu aimerais aborder en particulier sur cette population-là? Tu as le droit de répondre tous les sujets, hein. Bon, sur cette population-là, à vrai dire, tu vois, je sais pas, j'aurais envie de les connaître. Là, j'ai pas, c'est un peu les parcours de vie, mais là, tu vois, il faudrait prendre un projet en particulier Ouais. d'une organisation X et juste aller discuter un peu avec tous et les connaître. Et après, je sais pas, bon, moi, les trucs qui me frappent un peu, c'est quand même le deux poids, deux mesures vis-à-vis de. Des sanctions de faute au travail, en général, on est beaucoup moins tolérant vis-à-vis d'eux. Il y a ça, mais je sais pas, il y a... Je ne saurais pas dire. En tout cas, Bon, mais tu l'as c'est. dit, il y avait déjà la précarité, quoi, déjà la notion de la Ouais. précarité chez les travailleurs humanitaires. Donc, Oui. dans ce travail que tu fais là en ce moment, la précarité chez les travailleurs humanitaires, ça dit quoi exactement? Bon, ça dit pour le dire vite, c'est que, en tout cas, là, dans la façon dont je le présente, c'est qu'on a des gens qui subissent les contrats courts, parce que, en tout cas, chez Médecins sans frontières, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des CDD le temps des missions, et il n'y a pas de CDI de mission. Et donc, il y en a pour qui ça convient très bien, c'est-à-dire qu'entre chaque mission, bah, ils sont très contents, comme ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire un mois au ski, prendre des cours de guitare. Partir. Enfin, voilà, il y en a qui le vivent très bien, et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources familiales, les ressources financières pour se financer entre-temps, parce qu'il n'y a pas forcément le chômage dans leur pays. Et puis il y en a, à force de faire des missions, bah, ils ne cotisent pas à la retraite, puis il n'y a pas de retraite dans leur pays. Voilà. Donc pour le faire vite, disons qu'il y en a pour qui ça se passe très bien, ils le vivent. Et au contraire, c'est ce qu'ils recherchent. Et puis d'autres, c'est compliqué. Ok. Et donc, au début de l'entretien, là, tu disais pas que justement ce travail de recherche, enfin, évidemment, ça avait changé un peu ta perception hein, du secteur humanitaire. Je constate que tu y es toujours un petit peu attaché, enfin, tu continues à faire des missions. C'est quoi pour toi finalement ta motivation à continuer à travailler et à t'investir dans ce secteur-là? Bon, il y en a plusieurs. Alors d'abord, c'est un secteur qui me fait toujours. Il y en a plusieurs. Il y a le fait de l'exotisme, le goût pour l'exotisme d'une certaine façon, qui est partagé par un certain nombre de gens qui sont dans le milieu. Voilà, d'avoir l'opportunité d'aller dans des contextes complètement improbables et qu'on ne verrait pas autrement. Donc ça, c'est toujours motivant, même si je pars pas très souvent. Mais ça, c'est toujours motivant. Il y a le fait que maintenant, bah, à force d'y avoir réfléchi, je suis quand même de plus en plus légitime sur la question, et donc je me sens à l'aise. Je sens que c'est un milieu que je connais, et j'ai le sentiment voilà, d'être à ma place. De ce point de vue-là, je continue de croire et de trouver que les gens avec qui je travaille, en général, je les aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est des gens souvent assez incroyables, enfin, de mon point de vue personnel, c'est des gens que je peux admirer. Parce que c'est des gens assez souvent très ouverts, de plusieurs cultures, qui ont plein de passions, et voilà. Et donc je me sens à l'aise aussi avec ces gens-là. J'aime bien les gens qui sont dans ce milieu-là. Voilà. Et puis après, est-ce que je crois que les effets pervers l'emportent sur le reste? Je sais pas. Et à la rigueur, peu importe. Il faut bien faire quelque chose de sa vie. Tant qu'à faire, autant être dans un milieu comme celui-là, où on essaye de faire le moins de mal possible, disons, même si on fait peut-être pas le mieux qu'on peut, en tout cas, ou qu'on fait pas forcément énormément de bien, au moins j'essaie de pas trop faire de mal. On essaye. Et Donc c'est peut-être. justement, est-ce que tu parlais tout à l'heure des effets pervers de l'action humanitaire, mais tu sais, il y en a qui critiquent en disant c'est une goutte d'eau dans l'océan, que il vaut mieux commencer à travailler, à aider devant chez soi plutôt que d'aider à l'international. Enfin, tu vois un petit peu toutes ces critiques-là, tu les gères comment pour toi? Comment tu les Bon, pour moi, mets? il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. C'est comme le changement climatique. Si on est convaincu que il faut lutter contre, bien sûr, moi j'aurais envie de dire instinctivement, bah, il faut agir tout en haut et il faut prendre les bonnes décisions qui vont dans une certaine direction. Mais en vrai, ça n'empêche pas individuellement aussi de travailler pour ça. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et donc c'est pareil dans le milieu humanitaire, oui, c'est des gouttes d'eau. Quand bien même, on considérerait qu'il n'y ait pas d'effet pervers. Enfin, si on considère qu'il n'y a pas d'effet pervers et disons que c'est globalement positif, eh ben, pourquoi s'en empêcher? Si on considère ça, même si c'est des gouttes d'eau, bah, il vaut mieux quelques gouttes d'eau, puis surtout cumuler, bah, ça se trouve, ça peut faire un tout petit peu bouger les lignes. Voilà, enfin, et c'est aussi comme, je sais pas, comme le pompier qui intervient, bah, le pompier, c'est pas le médecin, mais il faut pas empêcher les pompiers de venir. Ok, on n'a pas fait de prévention des risques et du machin, mais enfin, il faut tout, quoi. Il faut tout pour faire un monde, et donc voilà, c'est comme ça que je gère ça. Tu utilises exactement l'analogie que j'utilise. Je compare Oui. toujours ça. Tu sais, quand il y a les débats humanitaires d'urgence ou de développement, Oui. Ah oui. et où je dis oui, mais c'est super les médecins, mais les médecins, s'il n'y a pas de pompiers qui font mal, parce qu'ils sont pas médecins et qui, voilà, en fait, il y a plein de patients qui vont jamais voir le médecin, quoi. Et qui. Tu considères, pour parler d'MSF justement un petit peu, tu adhères un peu à ce côté MSF, c'est le SAMU du monde? Cette expression, je ne sais pas si je l'ai déjà entendue. Non, enfin, je sais pas qui dirait ça. En tout cas, je pense pas que chez les dirigeants, il y en ait qui se présentent comme ça. Je pense pas. Et puis c'est clairement pas, là pour le coup, quand tu parlais de goutte d'eau, c'est clairement pas le SAMU du monde, dans le sens où même dans un pays où MSF va être très présent, du genre la RDC, ben en fait. Même si on a souvent MSF a même peut-être plus d'argent, investi plus d'argent que un montant supérieur à celui du budget du ministère de la Santé tous les ans, et ben ça n'empêche que MSF n'agit que dans quelques petits villages du pays et que même à l'échelle de ce pays-là, c'est toute petite goutte d'eau. Donc même dans un pays où MSF va beaucoup intervenir, ça reste de la goutte d'eau et c'est pas du tout le SAMU du pays. Même si il y a un pool d'urgence Congo, etc. Enfin bon, ça reste petit globalement. Enfin, on n'a évidemment pas les moyens, 1 ou 2 milliards d'euros de budget par an. C'est beaucoup comme ça sur le papier, mais c'est rien par rapport aux besoins d'un SAMU mondial. Ouais. Alors après, si parce que donc Médecins sans frontières, c'est à peu près 2 milliards d'euros de budget annuel. C'est quand même parmi les cinq plus grosses ONG internationales. Oui. Mais tu vois, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais on peut aussi dire que le PIB de la RCA, la République centrafricaine, c'est 2,6 milliards. Tu vois. Donc toujours, c'est toujours un peu ambivalent, je trouve, des fois, ce secteur humanitaire. Ça a quand même de l'impact, on en parle. C'est même invoqué dans certains conflits à des niveaux diplomatiques. En fait, la raison humanitaire, elle est invoquée à plein de niveaux différents. Et en même temps, c'est vrai que quand on discute avec les gens qui connaissent un petit peu le secteur, il y a une sorte d'humilité à force de dire, bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Oui. Ok, bon, c'est super intéressant. Et donc du coup, donc là en ce moment, tu travailles un peu sur la précarité des travailleurs humanitaires. Il y a d'autres sujets en lien avec le secteur humanitaire. Je sais que tu travailles sur d'autres sujets, mais il y a d'autres sujets que tu vas bientôt sur lesquels tu vas bientôt travailler ou qui sont en préparation. De toute façon, tous ces sujets-là. Je me lance dessus de façon tout à fait personnelle. et autonome. Enfin, personne ne me demande de travailler sur ces sujets-là. Donc après, moi, j'avais travaillé sur la question de la faute au travail, du hors-travail, c'est quoi le hors-travail chez MSF, sur la question de qui a le droit de parler chez MSF, j'ai appelé ça la politisation, ou la question de l'acceptation. Enfin, moi, j'ai travaillé sur différents sujets. Aujourd'hui, je commence à un peu avoir fait le tour quand même des sujets qui vraiment me taquinaient. Il y en a un qui m'intéresse toujours, que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le traiter à un moment, c'est celui de la sanction. Donc j'ai travaillé avec une collègue qui s'appelle Stéphanie Meneghini de MSF France. On avait fait un article donc, sur la question de la faute au travail, et c'est de savoir à partir de quel moment on va caractériser la faute. Mais il y a une autre question qui m'intéresse avec ça, c'est la question de la sanction. Et qui on va sanctionner, à quel degré, et surtout l'application de la sanction. Dans quelle mesure on va pouvoir appliquer en interne une sanction, et pourquoi il y a telle personne, on va pas pouvoir lui donner de sanction. Enfin, il y a plein de raisons, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Mais là, comme ça, j'en ai pas. Enfin, j'ai plus forcément énormément de sujets. Bon, après, il y a toute la partie personnel national dont on a parlé. Non, c'est bien, ça donne des perspectives. Donc du coup, si jamais il y en a qui écoutent le podcast et qui sont en études de sociologie ou qui ont envie d'aller pousser ces questions un petit peu, j'imagine qu'ils peuvent te contacter. Oui, bien sûr. T'es assez accessible. Bah, oui, normalement, je pense qu'on tape mon nom sur Google, on finit par trouver. Oui. Bon, bah, c'est super. Et du coup, justement, en s'adressant un petit peu au public du podcast, ce serait quoi un peu les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le secteur humanitaire? Dans le secteur humanitaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de façons d'y rentrer, puis ça dépend ce qu'on met dedans. Mais disons, pour faire, disons, chez MSF, je vais prendre cet exemple, l'exemple que je connais, si quelqu'un veut travailler chez MSF, bah alors il y a aussi plein de métiers, donc ça va dépendre du métier, si on est plutôt médical, etc. Mais même si on est médical, ouais, je pense que c'est bien d'être curieux, quoi, en général, d'essayer de lire un maximum, d'écouter. Et puis, quand bien même on n'aurait pas eu le temps trop de lire avant et de se préparer au milieu, bah, de rester aussi humble que possible et essayer de faire confiance. Bah, à ceux qui n'ont pas forcément le même niveau de diplôme et qui parfois voilà, ont des métiers mais de leur faire confiance parce que ils ont l'expérience sur d'autres terrains et c'est riche aussi quoi. Bon, c'est un peu niais ce que je raconte bref, faire preuve d'humilité autant que possible. Enfin, c'est un milieu Ouais, moi, je sais pas trop répondre, mais en tout cas, d'être curieux, quoi, se renseigner. Ouais, C'est un peu. tu parles plus de la disposition mentale, en fait, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Ouais. Oui. Je pense que c'est bien d'être bon techniquement, mais c'est clairement pas. C'est presque un piège. Alors, je pense que Ben, quand on croit trop en ses compétences techniques, ça peut mal se passer, quoi. bon, rester un peu ouvert d'esprit et Ouais. Ok, et essayer de partir avec le moins d'a priori possible. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu aurais aimé aborder avant qu'on clôture cette discussion? Non, non, c'est bien, là. On a bien fait le tour, non? C'est gentil de m'avoir laissé l'opportunité de redire quelque chose, mais non, non, j'ai dit les éléments principaux auxquels je pensais. Ok, bah n'hésitez pas. Et puis si vous faites des recherches aussi sur Ludovic, il y a plusieurs de ces articles qui sont disponibles. Je sais que tu en avais fait dans le média Alternative Humanitaire. Voilà, la thèse, elle est disponible. On la trouve facilement en ligne. Enfin voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à regarder un petit peu aussi les différents écrits. Parce qu'on exprime aussi parfois mieux à l'écrit sa pensée qu'à l'oral. En tout cas, c'est souvent mieux construit puisqu'on a pris le temps de se faire relire et tout ça. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir apporté ton éclairage et ton témoignage là-dessus. Ben merci Bertrand. Et Merci, puis merci. peut-être à bientôt alors. Ouais. Ok, ça marche. Ciao, Au ciao. revoir. Bye bye.